1, ça va très bien. 2, l'anniversaire de Samy est le 13 octobre. 3, viens regarder ma chambre. 4, nous sommes égyptiens. 5, Jean est un copain du judo. 6, Victor a un bracelet brésilien. 7, qu'est-ce que tu aimes au lycée? 8, ma chambre est bien rangée. 9, je n'aime pas le cinéma. 10, j'ai un surligneur dans ma trousse.